à l'heure où tout meurt, à l'heure où aucun chien n'aboie, à l'heure de la lune, là-bas sur la dune, à l'heure où la pluie n'est qu'une. Une vague monte, l'autre s'en va. Une vague monte et je m'y noie. À l'heure où je dors, à l'heure où tu pleures, à l'heure où notre amour se meurt. Et la roue tourne encore, et la roue tourne fort. Un jour on est comme mort, et l'autre plus fort. Une vague monte, l'autre s'en va. Une vague monte. Et l'autre part.